بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. غلبت الروم. Les Romains ont été vaincus dans le pays tout proche. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. La décision appartient à Allah, avant comme après la défaite des Romains. Mais ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Car il secourt qui il veut, lui le tout puissant, le tout miséricordieux. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la promesse d'Allah, qui ne faillit jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne connaissent de la vie en ce bas monde que ce qui est apparent, mais ils sont insouciants de l'autre monde. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. N'ont-ils pas réfléchi au fond d'eux-mêmes? Ils auraient alors su qu'Allah n'a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux qu'en toute vérité et pour une échéance déjà nommée. Or, un grand nombre de gens mécroient en la rencontre de leur Seigneur. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Que ne sont-ils pas allés de par la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Ceux-là étaient bien plus forts et avaient labouré la terre et l'avaient peuplée beaucoup mieux que ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers étaient venus vers eux, munis des preuves évidentes. Ce n'est donc pas Allah qui les a lésés, mais ce sont eux-mêmes qui se sont lésés. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. La fin de ceux qui commettaient les mauvaises œuvres fut bien mauvaise, car ils traitaient de mensonges les versets d'Allah et les tournaient en dérision. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Allah initie la création, ensuite il la recommence, puis vers lui vous serez ramenés. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Le jour où sonnera l'heure, les criminels seront muets de consternation. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. Ils ne trouveront point d'intercesseur parmi les associés qu'ils prêtaient à Allah. Et ils renieront ses associés. Et le jour où sonnera l'heure, les hommes seront scindés en deux groupes. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, ceux-là se réjouiront dans un jardin luxuriant. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Quant à ceux qui auront mécru et auront traité de mensonges nos signes et la rencontre de l'autre monde, ceux-là comparaîtront pour être livrés au supplice. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Gloire soit donc rendue à Allah à la nuit tombante et au point du jour. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. À lui revient la louange dans les cieux et sur terre, au cours de la nuit et au milieu de votre journée. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Il fait revivre la terre déjà morte, et c'est ainsi que vous serez vous-même sortis de vos tombes. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. L'un de ces signes est de vous avoir créé de terre, et voilà que vous êtes des hommes et vous vous répandez de par le monde. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et l'un de ces signes encore est d'avoir créé pour vous, et à partir de vous, des épouses, auprès desquelles vous trouvez calme et repos. Il a établi entre vous deux affections et pitié. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. L'un de ces signes aussi est la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Et l'un de ces signes est votre sommeil pendant la nuit et pendant le jour et le désir qui est le vôtre d'avoir de ses faveurs. Il y a certes là des signes pour des gens qui entendent. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et l'un de ces signes est qu'il vous montre l'éclair suscitant en vous crainte et espérance. Il fait descendre du ciel une eau pour rendre la vie à la terre déjà morte. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent raisonner. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Et l'un de ces signes est que par son ordre, le ciel et la terre tiennent en place. Puis, lorsque le jour de la résurrection, il vous appellera, vous sortirez de sous terre. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. À lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et tous lui sont entièrement soumis. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. C'est lui qui initie la création puis la recommence, et c'est pour lui chose vraiment aisée. Il a la perfection la plus haute, dans les cieux et sur terre, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Il vous donne un exemple inspiré de vous-même. Y a-t-il parmi vos serviteurs ceux que vous associez au partage des biens que nous vous avons dispensés, au point d'y avoir parts égales? Avez-vous envers eux la même crainte que vous avez les uns envers les autres? C'est ainsi que nous détaillons les versets pour des gens qui savent raisonner. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Or, les injustes ont suivi leurs propres passions, sans science aucune. Qui donc saurait guider ce qu'Allah a voulu égarer? Ceux-là n'auront personne pour les secourir. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion, en pur monothéiste, conformément à la nature dont Allah a doté les hommes en les créant. Or, nul ne saurait changer la création d'Allah. Voilà la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes ne le savent pas. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Revenez donc vers lui repentant, craignez-le, accomplissez la salate et ne soyez pas de ses associâtres. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Qui ont divisé leur religion en devenant plusieurs sectes. Et voilà que chaque parti se réjouit de ce qu'il a. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Quand un malheur atteint les hommes, il implore leur Seigneur, revenant à lui repentant. Mais s'il leur fait goûter quelque grâce de sa part, voilà que certains se mettent à prêter à leur Seigneur des associés. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Méconnaissant ainsi, en véritables ingrats, ce que nous leur avons donné. Jouissez donc des plaisirs passagers, vous allez bientôt savoir. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Ou alors, avons-nous fait descendre sur eux en révélation une preuve d'autorité, qu'ils leur parlent de ce qu'ils nous prêtaient comme associés. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Lorsque nous faisons goûter aux hommes quelques grâces, ils s'en réjouissent. Mais si un malheur les atteint pour les œuvres commises de leurs propres mains, les voilà consternés. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ne voit-il donc pas qu'Allah dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie? Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Alors, donne aux proches parents, aux pauvres, et aux voyageurs de grand chemin. Cela est bien meilleur pour ceux qui espèrent voir le visage d'Allah. Ceux-là seront ceux qui réussissent. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Tout ce que vous prêtez avec des intérêts, riba, pour augmenter vos gains en rognant sur les biens d'autrui, ne produira aucun intérêt auprès d'Allah. En revanche, ce que vous donnez en aumône, voilà ce qui, pour ceux qui le font pour le visage d'Allah, sera multiplié. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est Allah qui vous a créé et qui assure votre subsistance. C'est lui qui vous fait mourir, puis vous fait revivre. Est-il donc, parmi ceux que vous lui prêtez comme associés, ne serait-ce qu'un seul qui puisse faire rien de tout cela? Gloire lui soit rendue, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et en mer, en raison de ce que les hommes ont commis de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui repentants. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Dis, parcourez la terre pour voir quel fut le sort des gens d'autrefois. Ils étaient pour la plupart des associâtres. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion de la rectitude, avant l'avènement d'un jour inévitable. Ce jour-là, les hommes se diviseront en deux groupes. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Ceux qui auront mécru porteront le poids de leur mécréance, et ceux qui auront fait le bien, c'est pour leur salut qu'ils auront œuvré. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Ainsi récompensera-t-il de ses faveurs ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres. Il n'aime certes pas les mécréants. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. L'un de ses signes est d'envoyer les vents en heureuses annonces pour vous faire goûter de sa grâce et pour que les vaisseaux voguent en haute mer par son ordre et que vous vous employiez à quêter ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Nous avons envoyé avant toi des messagers à leur peuple, et ils venaient vers eux avec les preuves évidentes. Nous nous sommes vengés des criminels, et nous étions en droit de venir au secours des croyants. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Allah est celui qui envoie les vents qui font s'élever les nuages. Il les déploie alors dans le ciel comme il lui plaît et en fait des fragments. De leur sein, tu vois alors la pluie tomber. Quand il en gratifie qui il veut de ses serviteurs, ceux-ci s'en réjouissent. Alors que, avant qu'elle ne leur soit envoyée, ils étaient désespérés. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Vois donc les effets de la miséricorde d'Allah et comment il fait revivre la terre déjà morte. C'est certes lui qui rend la vie aux morts, et il est de toutes choses infiniment capable. Si en revanche, nous leur envoyons un vent sous lequel ils verraient jaunir leur culture, les voilà qui méconnaissent ingratement nos autres bienfaits. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Tu ne peux faire que les morts entendent, ni que les sourds perçoivent l'appel quand ils tournent le dos et se sauvent. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Tu ne saurais non plus guider les aveugles qui se sont égarés. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient en nos signes et s'y soumettent en musulmans. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. C'est Allah qui vous a créé faible, puis qui de cette faiblesse vous donne la force, puis qui encore, à la suite de cette force, vous afflige de décrépitude et de canicie. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Le jour où l'heure aura sonné, les criminels jureront n'être restés qu'une seule heure sur terre. C'est ainsi qu'ils sont fourvoyés. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Ceux qui ont reçu la science et la foi diront quant à eux: vous y êtes restés selon le décret du livre d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection. Et aujourd'hui est le jour de la résurrection, mais vous ne le saviez pas. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ce jour-là, les excuses ne seront d'aucune utilité pour les injustes, et il ne leur sera point demandé de désavouer les péchés qu'ils auront commis. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Dans ce Coran, nous avons donné aux hommes toutes sortes d'exemples. Mais si tu leur produisais quelques prodiges, les mécréants diraient quand même « Vous n'êtes que des imposteurs ». كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est ainsi qu'Allah met un scellé sur les cœurs de ceux qui ne savent pas. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Prends donc patience. Car la promesse d'Allah est pure vérité. Que ceux qui ne sont pas convaincus dans leur foi ne te prennent pas à la légère et ne te découragent pas.